Quatrième partie, chapitre 14 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Quatrième partie, chapitre 14. Des sécheresses stérilité spirituelle. Ce temps si beau et si agréable ne durera pas toujours, filoté. Vous perdrez quelquefois si fort le goût et le sentiment de la dévotion que votre âme vous paraîtra comme une terre déserte et stérile, où vous ne verrez plus ni chemin, ni sentier pour aller à Dieu, et où les eaux salutaires de la grâce ne couleront plus pour l'arroser dans le temps de la sécheresse qui la réduira tout en friche et la désolera entièrement. Hélas, que l'âme en cet état est digne de compassion, surtout quand ce mal est véhément. Car alors, comme David, elle se nourrit de larmes jour et nuit, tandis que l'ennemi lui dit par dérision, pour la jeter dans le désespoir, « Ah, misérable, où est ton Dieu? Quel chemin prendras-tu pour le trouver? Qui te pourra jamais rendre la joie de sa sainte grâce ?» Que ferez-vous donc en ce temps-là, filoté? Allez à la source du mal. Souvent, ces stérilités et ces sécheresses tirent leur origine de notre propre fond. Petit 1, comme une mère ôte le sucre à son enfant, qui est sujet au ver, ainsi, Dieu nous prive des consolations de sa grâce, lorsqu'une vaine et présomptueuse complaisance, qui est le ver du cœur, commence à s'y former. « Il m'est avantageux, ô mon Dieu, que vous ayez humilié mon âme, disait le prophète royal, car, avant que vous l'eussiez humilié, je vous avais offensé. » Petit 2, quand nous négligeons de faire un bon et prompt usage des suavités et des délices de l'amour de Dieu, il les retire, et notre négligence est punie comme celle des Israélites paresseux qui, n'ayant pas ramassé la manne de bon matin, la trouvait toute fondue après le soleil levé. Petit 3, l'épouse des Cantiques, couchée mollement en son lit, ne voulut pas s'incommoder pour aller ouvrir la porte à son époux, et elle perdit la douceur de sa présence. Et voilà ce qui nous arrive. Plongés que nous sommes, dans beaucoup de satisfactions sensuelles et passagères, nous ne voulons pas nous en priver pour aller à nos exercices spirituels, où Jésus-Christ, qui demande l'entrée de notre cœur par son inspiration, nous appelle. C'est pourquoi il se retire et nous laisse croupir dans notre assoupissement. Et puis, quand nous voulons le chercher, nous avons bien de la peine à le trouver. Peine qui est une juste punition de l'infidèle mépris que nous avons fait de son amour, pour suivre l'attrait de celui du monde. Ah, pauvre âme, vous avez fait provision de farine d'Égypte, vous n'aurez point la manne du ciel. Les abeilles haïssent toutes les odeurs artificielles et les suavités du Saint-Esprit sont incompatibles avec les délices artificieuses du monde. Petit 4, la duplicité et les finesses dont on use dans les confessions et dans les communications spirituelles qu'on a avec son directeur attirent les sécheresses et les stérilités, puisqu'il est juste qu'ayant menti au Saint-Esprit, on soit privé de ses consolations. Vous ne voulez pas aller à votre Père Céleste avec la simplicité et la sincérité d'un enfant, vous n'aurez pas les douceurs qu'un père donne à ses enfants. Petit 5, votre cœur s'est rempli et rassasié des plaisirs du monde. Faut-il vous étonner que vous ayez du dégoût des délices spirituelles? Et l'ancien proverbe ne dit-il pas que les colombes qui sont pleinement rassasiées trouvent les cerises amères? Dieu a rempli de ses biens ceux qui étaient affamés, dit la Sainte Vierge. Et il a laissé mourir les riches de faim, parce que ceux qui jouissent des plaisirs mondains ne sont pas capables de goûter les spirituels. Petit 6, avez-vous bien conservé le fruit des premières consolations? Vous en aurez d'autres, car l'on donnera celui qui a déjà quelque chose, à l'égard de celui qui n'a pas ce qu'on lui a donné, parce qu'il l'a perdu, on lui ôtera même ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire qu'on le privera des autres grâces qui lui étaient préparées. Il est vrai, la pluie vivifie les plantes qui ont encore de la verdure, mais elle détruit même et consume entièrement celles qui n'en ont plus. C'est donc pour ces raisons et autres semblables que nous perdons les consolations du service de Dieu et que nous tombons en ces états de sécheresse et de stérilité d'esprit. Et nous devons nous bien examiner sur ces défauts, mais sans inquiétude ni curiosité. Si après un examen raisonnable, nous trouvons en nous quelque source de ce mal, il en faut remercier Dieu, d'autant que le mal est à moitié guéri, quand on en a découvert le principe. Si, au contraire, vous n'apercevez en vous aucune cause de cette sécheresse, ne vous amusez pas davantage à la rechercher, et observez en toute simplicité ce que vous direz ici. Petit 1, humiliez-vous profondément devant Dieu, dans la connaissance de votre néant et de votre misère, en lui disant « Hélas, que suis-je quand je suis à moi-même ? Rien, Seigneur, qu'une terre desséchée et ouverte de toutes parts, qui a un extrême besoin de pluie et que le vent réduit en poussière. » Petit 2, invoquez le saint nom de Dieu et lui demandez la suavité de sa grâce. Rendez-moi, Seigneur, la joie salutaire de votre esprit. Mon Père, s'il est possible, éloignez ce calice de moi. Vous, Jésus, qui avez imposé silence au vent et à la mer, arrêtez cette bise infructueuse qui dessèche mon âme et m'envoyez ce vent agréable et vivifiant du midi que demande votre épouse pour répandre partout la bonne odeur des plantes aromatiques de son jardin. Petit 3, allez à votre confesseur, ouvrez-lui votre cœur, faites-lui bien voir les replis de votre âme et suivez ses avis avec une humble simplicité. Car Dieu qui aime infiniment l'obéissance bénit souvent les conseils qu'on reçoit du prochain et surtout de ceux qu'il a établis pour conduire les âmes, même sans une grande espérance d'un heureux succès. C'est ce qui arriva à Naaman, qui fut guéri de sa lèpre en se baignant dans le Jourdain, comme le prophète Élisée lui avait ordonné, sans aucune raison qui parut naturellement bonne. Petit 4. Mais après tout cela, rien n'est si utile que de ne pas désirer avec empressement et attachement la fin de sa peine, et de s'abandonner entièrement à la providence de Dieu pour la porter autant qu'il lui plaira. Disons donc parmi les simples désirs que nous pouvons nous permettre, et au milieu des épines que nous sentons, « Ô mon Père, s'il est possible, retirez ce calice de moi. » Mais ajoutons avec beaucoup de courage, « Cependant que votre volonté soit faite, et non pas la mienne. » Et arrêtons-nous là avec le plus de tranquillité que nous pourrons. Dieu, nous voyant dans cette sainte indifférence, nous consolera par ses grâces les plus nécessaires. De la même manière qu'ayant vu Abraham déterminé à lui sacrifier son fils, il se contenta de cette résignation à sa volonté et le consola par une vision très agréable et par sa bénédiction qu'il lui donna pour toute sa postérité. Nous devons donc, en toutes sortes d'afflictions, soit corporelles, soit spirituelles, et parmi les distractions ou les privations de la dévotion sensible, dire de tout notre cœur et avec une profonde soumission « Le Seigneur m'avait donné des consolations, le Seigneur me les a ôtées, son saint nom soit béni. » Et si nous persévérons en cette humble disposition, il nous rendra ses grâces délicieuses. C'est ce qu'il fit à Job, qui parla toujours ainsi en toutes ses désolations. Petit 5, enfin, ne perdons point courage, Philothée, en ce fâcheux état. Mais attendant avec patience le retour des consolations, suivant notre chemin, n'omettons aucun exercice de dévotion, multiplions même nos bonnes œuvres. Offrons à notre divin époux notre cœur tout sec qu'il est. Il lui sera aussi agréable que s'il se sentait fondre en suavité, pourvu qu'il soit sincèrement déterminé à aimer Dieu. L'on dit que quand le printemps est beau, les abeilles travaillent beaucoup plus à faire du miel et se multiplient moins, et que quand il est rude et nubileux, elles se multiplient davantage et font moins de miel. Il arrive ainsi et souvent, Philothée, que l'âme se voyant à ce beau printemps des consolations célestes, elle s'amuse si fort à les goûter que dans l'abondance de ses délices spirituels, elle fait beaucoup moins de bonnes œuvres. Et au contraire, lorsqu'elle se voit privée des dispositions si douces de la dévotion sensible, elle multiplie ses œuvres et s'enrichit de plus en plus des vraies vertus qui sont la patience, l'humilité, l'abjection de soi-même, la résignation et l'abnégation de son amour-propre. C'est donc un grand abus en plusieurs personnes, et principalement parmi les femmes, de croire que le service que nous rendons à Dieu sans goût, sans tendresse de cœur, soit moins agréable à sa divine majesté. Puisque comme les roses qui étant fraîches en paraissent plus belles, ont cependant plus d'odeur et de force quand elles sont sèches, de même, bien qu'une vive tendresse de cœur nous rende à nous-mêmes nos œuvres plus agréables, parce que nous en jugeons par la délectation qui nous en revient, elles sont pourtant d'une meilleure odeur pour le ciel et d'un plus grand mérite devant Dieu en cet état de sécheresse spirituelle. Oui, Philothée, notre volonté se porte en ce temps au service de Dieu en surmontant toutes ses répugnances. Par conséquent, il faut qu'elle ait plus de force et plus de confiance que dans le cours d'une dévotion sensible. Ce n'est pas une grande louange que de servir un prince parmi les délices de la paix et de la cour. Mais le servir en un temps de trouble et de guerre, c'est une vraie marque de fidélité et de constance. La bienheureuse Angèle de Foligny dit que l'oraison la plus agréable à Dieu est celle qui se fait par contrainte, c'est-à-dire celle que nous faisons, non pas avec goût et par inclination, mais purement pour plaire à Dieu, en nous violentant sur la répugnance que la sécheresse de notre cœur nous y fait trouver. J'en dis de même de toutes les bonnes œuvres, car plus nous y trouvons de contradictions, soit intérieures, soit extérieures, plus elles ont de mérite devant Dieu, moins il y a de notre intérêt particulier en la pratique des vertus, plus la pureté de l'amour divin y éclate. L'enfant baise aisément sa mère quand elle lui donne du sucre, mais ce serait une marque qu'il l'aime beaucoup s'il la baisait après qu'elle lui aurait donné de l'absinthe ou du chicotin. Fin du chapitre 14, quatrième partie.